pièce moment. Pas de fatigue pas moins. C'est lui-même tes garçons. Moi ça ça qui est passé. Tout comme un gars du fait. En même chanson.